130 livres, chronique du 13 février 2019, ce que cela coûte, Wilfried Charles Hines. La boxe n'est certes pas le sport qui inspire le moins les écrivains, et deux écoles se partagent le gros de la littérature pugilistique. Celle de la mythologie, attachée au drame, à la symbolique, au lyrisme, à la métaphore et à l'hyperbole, et celle du réalisme qui mise sur la précision et le dépouillement du style pour rendre compte du noblard. Elles sont également dignes d'intérêt. Pour sublimer l'effet que produit la boxe sur le psychisme de ses spectateurs, entre catharsis et fascination pure, la première ne s'interdit aucun procédé narratif. Alors que la seconde se méfie d'un plaquage d'archétypes et d'intrigues éprouvées qui ne se vérifie qu'une fois sur mille, elle considère le matériau brut digne d'intérêt en l'état et cherche à en livrer sobrement toute la complexité. W.C. Hines fut correspondant de guerre et journaliste sportif avant d'être romancier. On comprend que son premier livre, bien qu'œuvre de fiction, appartient à cette dernière catégorie. Le double champion du monde des lourds George Foreman, pourtant habitué à procurer sa dose au public accro à l'hémoglobine, eut ces mots d'une infinie justesse. « La boxe est comme le jazz, meilleure elle est, moins les gens l'apprécient. » La vraie escrime de poing n'est pas une vulgaire baston, et « Ce que cela coûte », publié en 1958, évoque le destin d'un vrai bon boxeur, du genre à attaquer l'adversaire sur son point fort, le poids moyen Eddie Brown, dans sa quête du titre de champion du monde. En vue du combat de sa vie, programmé dans le temple du Madison Square Garden, il part s'entraîner un mois dans l'arrière-pays new-yorkais, auprès de ses managers et entraîneurs de toujours Doc Carroll et Johnny Jay, ses sparring partners, et une poignée d'autres boxeurs en cours de préparation. Ce ne fut pas le cas pour ses 80 combats précédents. Un témoin extérieur l'accompagne en vue d'en extraire un article pour un magazine, le journaliste Frank Hughes, narrateur à la première personne de « Ce que cela coûte ». Parole de Frank Hughes. Quand un combat est fixé, la façon dont chacun met à profit chaque moment en fait partie, de même que chaque action qu'il a jamais faite, chaque pensée qu'il a façonnée telle qu'il est et fait partie de lui et abonde dans chacun de ses mouvements, parce qu'il est maintenant évident que ces deux-là se battent depuis toujours. W.C. Hines réduit au maximum la durée de ses descriptions, tout juste celle-ci nous donne-t-elle des repères de mise en scène. Il s'abstient également de livrer trop de flashbacks ou monologues intérieurs de Frank Hughes, et la substantifique moelle du roman se concentre dans les nombreux dialogues du huis clos. Impliquant souvent trois personnages ou plus, ils demeurent à la fois vraisemblables et clairs, la technique d'attribution des répliques à leurs auteurs est quasi parfaite, sans lourdeur excessive. Le chroniqueur amateur que je suis ne peut ici s'exprimer qu'en son seul nom, à la fois fan de roman et fondu de boxe. Une cinquantaine de pages suffit non seulement à m'attacher au personnage, mais aussi à m'émerveiller de la profondeur et de la pertinence du regard de l'auteur sur le sport lui-même. Humble fils d'un plâtrier du Bronx d'origine allemande, au nom américanisé, Eddie Brown est un vrai laborieux, mais aussi un garçon affable et dégourdi. Doc Carroll est, lui, un théoricien bourru de la boxe anglaise, obsédé par le détail et méprisant envers tous les amateurs qui tentent de vivre de ce sport. Le dévoué Johnny Jay parle beaucoup et tout le temps de ses souvenirs antédiluviens de boxeur et de coach. Parmi les seconds rôles se détachent les figures de l'hôtelier suisse et fatigué Giraud, du boxeur bout en train Alpena et de Tom White, le reporter atrabilaire et mégalo, rival de Frank Hughes. Sans omettre Hélène, l'épouse fataliste d'Eddie, et le sparring partner Memphis Kidd, afro-américain condamné à aligner les piges, car coupable d'avoir été trop bon et peu spectaculaire, des années durant, pour s'attirer des combats vraiment lucratifs. Parole de Doc Carroll. Il y a 12 000 types qui boxent dans le monde aujourd'hui. Vous savez combien sont vraiment des boxeurs? Vous allez me le dire? Une centaine, peut-être moins. Le parcours du brillant technicien Memphis Kidd, à l'image de celui de l'authentique Charlie Burley, est l'une des nombreuses leçons que recèlent les dialogues de Ce que cela coûte. La boxe est un business, pas une quête de gloire. L'ingratitude de ce métier, réservée à ceux qui n'ont guère de choix, ceux qui sont plus doués pour autre chose, ils font autre chose, ils devraient en tout cas, et dans lequel les meilleurs disposent de 10 bonnes années pour mettre de côté, idéalement sans y laisser leur santé, est fondamental. Une décennie passée entre deux combats, jamais vraiment présent auprès de sa famille lorsque celle-ci existe, les vrais moines soldats de la boxe, tels Doc et Johnny, ont fait vœu de célibat. Une décennie à faire mûrir le môme bagarreur que l'on était en un adulte débarrassé de sa colère, sachant concentrer son excitation dans ses coups, ému tout entier par la tactique et les réflexes acquis, alors que les médias persistent à le vendre comme un animal. Une décennie où quelques minutes sur le ring et pas les années d'entraînement décideront du prochain cachet. Une décennie parfois écourtée quand un athlète place son destin entre les mains d'un charlatan pour qui son propre pognon prime surtout, ou d'un incompétent qui manage des boxeurs pour son prestige personnel. Et lorsqu'un pur artisan du noblard a détecté un vrai poulain, une décennie de programmation gestuelle longtemps déroutante et contre-intuitive. Et un jour, j'oublierai jamais ça, j'ai tenté un de ces trucs, et ça a marché. L'exigence d'une confiance et d'une transparence absolue et des combats toujours risqués pour continuer à apprendre et savoir pourquoi l'on accepte un entraînement toujours harassant. Parole de Frank Hughes. Même le plus grand sculpteur du monde ne peut rien ajouter au marbre qu'il façonne. Si ce n'est pas là, ce n'est pas là. Personne n'y peut rien, personne ne crée, on se contente de gratter la matière pour en révéler la création. C'est comme ça que l'homme essaie de créer, et c'est ça qui fait peur aux plus grands. Ils sont les seuls à voir vraiment, et ça les effraie que dans leur travail de soustraction, ils ne soient pas capables de tout révéler, et que ce qui demeure caché le demeure pour l'éternité. Mais ce qu'ils redoutent plus encore, c'est le coup de trop, celui qui détruirait tout à jamais. C'est comme ça qu'on fabrique les choses, c'est comme ça qu'on fabrique un boxeur. Comme le répètent Doc et Johnny, le combat se gagne sur la route et dans la salle, pendant la préparation. En stage, il faut avoir une bonne raison quand on fait quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de faire les choses, il faut avoir une raison, reprend Eddie, bon élève. Tout doit concourir à éradiquer le moindre hasard. Il en ira des 9 premières années professionnelles d'Eddie et des 45 piges de carrière de Doc Carroll, qui dispose enfin du savoir-faire nécessaire et du bloc de marbre idéal. Entre eux, les choses furent claires d'emblée. « Si je m'occupe de toi, c'est moi le patron. Si ça te plaît pas, tu le dis tout de suite et je te laisse tranquille. Sinon, tu fais ce que je te dis, comme je te le dis. Tu as le droit de poser des questions, mais une fois que je t'ai répondu, le sujet est clos. J'aime pas les discussions. Je te dirai quand, qui et où tu combats. Toi, tu t'entraînes et tu boxes. Je m'occupe du reste. » La relation de pupille à mentor entre Eddie Brown et Doc Carroll est bien le cœur battant de ce que cela coûte. Et les tirades de Doc sur son art de Pygmalion touchent la perfection. Il serait vain de tenter de reproduire les meilleurs ici, le choix est impossible. Plus rare mais pas moins édifiant, le regard de Frank Hughes sur sa propre posture, lorsqu'il n'est pas posé sur le boxeur et son maître, offre une confession captivante de W.C. Hines sur l'essence de sa profession. L'homme est pétri d'admiration pour les combattants dont il s'obstine à chercher la vérité. Vous équilibrez l'équation entre peur et courage en affirmant ne pas connaître la première et donc n'avoir pas besoin du second. Moi, j'essaie de me hisser à votre niveau, mais c'est toujours vous, en vérité, qui vous abaissez au mien. Il reconnaît aussi sans peine, en dépit d'une culture pugilistique extrêmement étendue et d'une faculté à trouver des mots que les boxeurs n'assembleront jamais, qu'il lui manquera toujours l'expérience conférée par le baptême du feu. C'était déjà comme ça avec la guerre. Seuls ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait peuvent le comprendre, et nous autres qui écrivons dessus en sommes toujours exclus. Et il ne saura s'empêcher, malgré tout son vécu et sa rationalité, d'être happé par une foi inébranlable en Eddie Brown et Doc Carroll, et le rêve de gloire par procuration du supporter acharné. Dans mon métier, on essaye de lutter contre ça, mais c'est un combat perdu d'avance. On tente de conserver son sang-froid et ce que nous aimerions être de l'objectivité, mais ce contre quoi l'on se bat, en attribuant bien vite aux autres les vestiges de ce que l'on a cru un jour être une aspiration au succès, voire à la grandeur, c'est l'aveu de sa propre défaite. Frank Hughes croit en la victoire au nom des vérités irréfutables que sont la science de Doc et le talent d'Eddie. Mais il constate, tentant de contenir son effroi, que l'imprévu s'insinue jusque dans les routines les mieux respectées. Portera-t-il la conséquence quand le moment de vérité sera venu? Le combat lui-même n'occupe qu'une part infime des 350 pages de ce que cela coûte, mais l'angoisse du lecteur est bien réelle, malgré l'absence totale de procédés narratifs faciles ou de recettes éprouvées des professionnels du suspense. C'est à force d'intelligence dans son propos et d'amour non fin pour ses personnages que W.C. Haynes m'a entraîné, sans que je m'en aperçoive, jusqu'à un investissement comparable à celui de Frank. Jusqu'à finir vidé, l'œil d'une humidité suspecte, certain d'avoir lu un chef-d'œuvre. Enfin, ce qu'un amoureux de la boxe et des livres tiendra facilement pour un chef-d'œuvre, et qu'Ernest Hemingway lui-même, caressé dans le sens du poil par un style aussi sec que le sien, qualifia de « seul bon roman que j'ai jamais lu sur un combattant et un excellent roman tout court ». Monsieur Toussaint Louverture a fait le pari que les 5000 exemplaires numérotés de cette édition trouveraient preneur, en dépit d'un sujet de niche, a fortiori auprès du public francophone. Les moyens déployés sont à la hauteur de cette louable ambition. L'objet lui-même est magnifique. La maison nous y avait habitués, entre autres, avec « Tous les hommes du roi » et « Le dernier stade de la soif ». Sa couverture mêlée de particules de cuir et son papier bien lisse rappelant un antique carnet de journaliste, et la traduction impeccable d'Emmanuel et Philippe Arançon évitent l'écueil ordinaire de la méconnaissance du noblard. Les lecteurs d'Un trou dans le ciel du dernier nommé, biographie romancée du grand champion Jack Johnson, auront compris pourquoi. Faut-il aimer la boxe pour se régaler de ce que cela coûte ? Les amateurs peuvent l'acheter les yeux fermés. Aux autres, même confiants dans les immenses qualités du bouquin, je ne peux garantir qu'une seule chose. Ils comprendront, en lisant celui-là plus que tout autre, pourquoi des gens comme moi aiment à ce point ce sport-là. Parole de Frank Hughes. Écoutez, je ne dis pas que ça me plaît ou que c'est bien, je dis juste que c'est comme ça, que c'est dans l'homme, dans tous les hommes. Je n'aime pas la violence, je déteste les conflits. Je crois en un monde qui serait régi par la raison et l'honnêteté et où la force brute ne serait plus. Ce monde existera peut-être dans plusieurs siècles, mais aujourd'hui, l'homme a encore les traits de l'animal en lui et la loi de la vie est encore la loi de la jungle, la survie du plus fort. Tant que ce sera comme ça, l'homme s'accomplira plus dans la boxe que dans toute autre tentative d'expression. C'est une nouvelle guerre, mais une guerre qu'on a mise en vente, pour laquelle on vend des places, et les gens y vont parce que, même sans s'en rendre compte, ils perçoivent la vérité qu'il y a là-dedans.